Chapitre 2. On va, et à chaque pas qu'on fait, c'est un nouveau morceau de terre d'enlever de dessous vos pieds. Quelquefois on chantait pour chasser la fatigue. Du Borgel avait sa musique à bouche, il se jouait des airs dessus. J'avais échangé ma valise contre un sac de soldats plus commode à porter, et des pays toujours venaient, dont nous ne savions même pas le nom. Après Genève et le Jura noir de sapin, on était entré dans les plaines. Le ciel tout à coup avait augmenté d'étendue. Il y avait des rivières très lentes et d'une grande profondeur. On voyait des poissons dedans. Des hommes pêchaient au bord de ces rivières. Des roues de moulins tournaient. Puis, de nouveau, il n'y avait plus rien que tous ces grands champs, sans un arbre, qui s'en allaient depuis la route jusqu'au fin fond de l'horizon. La terre n'avait plus la même couleur que chez nous. Tristesse de ça, c'est terrible, quand on a la montagne encore dans les yeux. On ne peut pas s'habituer à ces regards qu'il faut toujours tenir baissés, sinon ils se perdent dans le vide, au lieu qu'avant, si haut qu'on les levât, ils trouvaient à quoi s'appuyer. On sent qu'on change de nature, il semble qu'on sorte de soi. On a passé par Bourg-en-Bresse. Un peu plus loin que Bourg-en-Bresse, un soir, comme la nuit tombait, on entend des femmes crier. Des cris venaient d'une maison écartée. Nous pensâmes que peut-être on aurait besoin de nous. On voit deux femmes devant une porte, et elles criaient en levant les bras. On leur demande ce qu'elles ont. Ce n'était heureusement rien de grave. Et d'abord, elles s'étaient méfiées de nous, mais bientôt, voyant que nous ne leur voulions que du bien, elles nous racontèrent ce qui leur était arrivé. Elles n'eurent d'ailleurs qu'à nous mener dans leur chambre, et qu'est-ce qu'on y trouve ? Un veau. C'étaient des galants qui étaient venus demander à veiller, comme c'est la coutume dans les villages. Elles n'avaient pas voulu d'eux. Elles leur avaient fermé la porte au nez. Alors ils avaient imaginé cette petite vengeance. Tandis que la mère et la fille se tenaient à la cuisine, les croyant loin depuis longtemps, eux, sans faire de bruit, avaient été à l'écurie, y avaient détaché le veau, et l'ayant apporté à eux tous dans leurs bras, l'avaient fait entrer par la fenêtre. Les deux femmes, naturellement, continuaient à ne se douter de rien, cousant à la bougie. Elles étaient restées à la cuisine jusqu'au moment de se coucher. « Alors, disait la mère, moi je suis entrée la première. J'ai failli tomber à la renverse en voyant ça. On s'est sauvés dehors, ma fille et moi. On a cru d'abord que le diable s'en était mêlé. C'est seulement quand on vous a vu venir qu'on a pensé à une farce. Ah, les brigands, ils m'entendront !» Le tout finit par des éclats de rire. On aida les femmes à sortir le veau. Il était déjà grand de lait et d'un beau poids, je vous assure. Mais du Borgel l'empoigne par la tête. Moi, je le pousse par derrière. Il eut beau se débattre, il ne nous résista pas longtemps. En moins de rien, il était de nouveau attaché à sa crèche. Là-dessus, il y eut un bon coup de vin, et on recommença à rire parce que le vin nous avait tous mis de bonne humeur. On ne se sépara que très tard, bien que nous eussions encore un assez grand bout de chemin à faire jusqu'au prochain village. Il faut dire d'ailleurs que les bonnes dispositions où nous étions ne durèrent pas. La vie, c'est comme un collier fait de perles blanches et de perles noires qu'on égrène entre ses doigts. Quelques jours après l'aventure du veau, je tombai malade. Il pleuvait depuis 3 jours. En même temps, il faisait très chaud. J'étais tout en sueur sous mes habits trempés. Je me mis à claquer des dents. Nous arrivions par bonheur dans un petit village. Du Borgel me donnait le bras. On finit par trouver une espèce d'auberge. Nous montons au premier dans l'unique chambre qu'il y avait. Je ne pouvais plus tenir debout, et du Borgel, de nouveau, me fut bien utile, parce que ce fut lui qui me déshabilla. Tout de suite, une grande fièvre m'avait pris, avec du délire et des rêves, un entre autres dont je me souviens encore aujourd'hui. Mélanie était revenue, je marchais à côté d'elle, nous suivions un petit sentier qui s'en allait à travers champs. Elle portait, passée à son bras, une couronne de perles. Je regardais cette couronne. Il y avait écrit dessus à mon ancien fiancé. Je lui demandai « À qui portes-tu cette couronne ?» Elle me regarda d'un air étonné. « Mais elle est pour toi, naturellement ?» C'était le temps de la chasse. Tout près de nous, un chasseur tire un coup de fusil. Un lièvre, qui était blotti derrière un buisson, prend la fuite. On voyait son petit cul blanc se lever dans l'herbe encore haute. Mais moi, je ne pensais qu'à elle. Et je lui dis de nouveau « Comment se fait-il que cette couronne me soit destinée, puisque je suis vivant ? » Elle me répond, « Pour moi, tu es mort. » Je voulus parler, je ne pus rien dire. Je passai la main sur mon front, il était couvert de sueur. Soudain, je ne sais comment, nous nous trouvons devant un cimetière. Il était un peu au-dessus de nous, avec une petite pente qui aboutissait à la grille. On pousse la grille, elle était rouillée. Mélanie entra la première. Il y avait une colonne de marbre avec du lierre et un entourage de fer. Je lis mon nom sur la colonne, Samuel Belay. Il y avait aussi la date de ma naissance, 1840, mais je n'arrivais pas à distinguer celle de ma mort. Cependant, Mélanie s'était avancée et avait appuyé la couronne contre le socle. Un nuage noir passait dans le ciel. Puis le vent se mit à souffler et les branches d'un saule pleureur qu'il y avait tout près de là se tenaient droites en l'air. Mélanie était toujours debout. Devant moi, la tombe nous séparait. Et anxieusement, je me demandais « Es-tu vraiment mort ? Tu n'es pas mort puisque tu peux bouger. Tu n'es pas mort puisque tu parles. » Mais une terrible angoisse me serrait le cœur. Et m'adressant à Mélanie, « Mélanie, écoute, je t'aime. Dis que je ne suis pas mort. » Elle se mit à rire, elle me répondit, « Je t'assure que tu es mort. » En même temps, elle reculait, elle reprit, « Essaie seulement de me courir après. » Je fis un grand effort, mais c'était comme si mes pieds avaient pris racine en terre. Je voulus alors lui tendre les bras. Mes bras, à leur tour, ne m'obéissaient plus. Elle riait plus fort, continuant de s'éloigner. Je voulus du moins l'appeler, je n'avais plus de voix. Cette même raideur qui était dans mes membres occupait maintenant jusqu'au dedans de mes organes. Je voyais que j'étais bien mort, mais en même temps je gardais les yeux levés. J'aperçus une dernière fois Mélanie entre les arbres. Elle ouvrit la grille, elle s'en allait. Alors une espèce de convulsion s'empare de moi. Tout mon corps se tord, mes os craquent. Je tends tous mes muscles à la fois. Cette espèce de coque dure dans laquelle j'étais pris éclate. Et la voix me revient en même temps que mes mouvements. « Mélanie, Mélanie !» Je criais de toutes mes forces. Une voix me répond « Belay, c'est moi !» Brusquement, je rouvre les yeux, et comme entre des lambeaux de brouillard qui étaient mon rêve qui s'en allait, j'aperçois une chambre avec des rideaux sales, une table à laquelle il manquait un pied, puis une espèce de miroir dépoli au-dessus d'une cheminée à encadrement de bois et un plancher couvert de taches. Enfin, un visage penché sur mon lit. Je ne le reconnaissais pas encore. Je sentais seulement que quelqu'un était là. « Mon Dieu, dis-je, comment faire ? Elle est partie ?» La voix reprend. « Voyons, Belay, ne te tourmente pas. C'est un rêve que tu fais. Tu ne me reconnais pas, Louis Duborgel. On s'en va à Paris ensemble. » Peu à peu, je reprenais conscience, mais la tristesse m'accablait. C'était comme si Mélanie fût vraiment revenue et rapprochée un court instant de moi, m'eût quittée de nouveau. Alors, n'est-ce pas, on est tourmenté. Et puis aussi, pourquoi ces choses après tant de mois et d'années ? On ne sait pas, on les subit. Il faut se secouer le cœur comme un oiseau mouillé et ses ailes. Encore n'est-on pas sûr qu'il soit jamais bien sec. Mais je n'oublierai jamais combien Duborgel se montra bon pour moi. J'avais soif, il me donna à boire. J'étouffais, il alla ouvrir la fenêtre. J'eus froid, il la referma. On eût dit que ses mains s'étaient faites pour moi petites et légères. Et ce fut mes doigts dans les siens que je finis par m'endormir. Le gros de la crise était passé. Dès le lendemain, j'allais mieux. 5 ou 6 jours après, je pus me remettre en route. Je ne lui avais rien dit, mais je sentais que maintenant, où qu'il allât, je le suivrais. C'est ainsi que la fin du voyage fut meilleure que le commencement. Les fatigues étaient oubliées. On travaillait par-ci, par-là, il le fallait bien. Duborgel était presque au bout de ses économies. Et moi, je n'avais plus un sou. Des grandes chaleurs étaient survenues. On dormait le jour, on marchait la nuit. Il y avait sur tout le ciel une fine poudre d'étoiles. Aucun bruit ne se faisait entendre. De temps en temps, seulement, très loin, dans la campagne, un chien se mettait à aboyer. Ou bien c'était le cri d'un oiseau de nuit dans les arbres. Nous marchions sans rien dire. Je gardais la tête baissée. Puis, tout à coup, la relevant, je cherchais des yeux les montagnes et j'étais étonné de ne pas les trouver. Mais à leur place vinrent les collines, parce que nous traversions un pays qu'on appelle la Côte d'Or. Ce n'est pas très beau, mais rocheux et par places assez sauvage. Les plaines recommencèrent, plus pauvres encore et désertes ensuite. On m'a dit qu'elles n'étaient pas pauvres, mais c'est l'impression qu'elles donnent par leur vide et l'ennui qu'on a. Des longues files de peupliers dessinaient sur le ciel la courbe de route qu'on ne voyait pas, ou bien s'en allaient toute droite, se perdant peu à peu dans la brume et l'éloignement. Par-ci, par-là, la tour d'une cathédrale indiquait de très loin la place d'une ville. Il y eut de nouveau des fleuves, et entre eux, des canaux avec des chemins de halage, sur lesquels, lentement, des chevaux s'en allaient, tirant un grand bateau tout plat. Un homme marchait à côté du cheval, le fouet jeté autour de ses épaules. Une fois, nous prîmes le train. Il nous amena non loin de Paris. Enfin, le quatrième mois, au commencement de septembre, l'aspect des choses, une fois de plus, changea. On sentit qu'on approchait d'une grande ville. Les villages devinrent de plus en plus nombreux, et le long des routes, entre les villages, les maisons à présent se suivaient de très près. On commençait à voir des terrains vagues. Au milieu des gazons pelés, des huttes de chiffonniers se dressaient. Chapitre 3. Duborgel connaissait un homme de Nernier qui était établi marchand de vin, près du théâtre de l'Odéon. Grâce à lui, nous trouvâmes sans trop de peine de l'embauche. Nous entrâmes comme ouvriers chez un monsieur Lagardelle, entrepreneur en charpente, qui avait son chantier rue Campagne Première. C'était non loin des fortifications, dans un quartier en ce temps-là peu habité, avec sur la droite un grand cimetière et partout des trous entre les maisons. Les dernières construites étaient aussi les plus hautes. Elles faisaient comme des dents dans une mâchoire de vieux. De petites rues s'en allaient, bordées de hauts murs et de palissades, derrière lesquelles on apercevait des tombereaux, les brancards en l'air. Mais nous vivions, nous autres, dans le ciel. À perte de vue, au-dessus de nous, Paris s'étendait. Tous ces toits faisaient penser, non à des objets isolés, mais à un nouveau sol suspendu au-dessus de l'autre, un sol noir et roux, fendillé, crevassé, ingrat, une espèce de lave qui aurait été chaude encore, car de tous les côtés, des vapeurs s'en élevaient. Peu à peu, alors, elles se mêlaient et faisaient, par les temps calmes, un couvercle de faux nuages qui nous cachaient le soleil, ou bien le vent se mettait à souffler. Alors, on les voyait fuir, couchés au ras des toits. Le climat de Paris est bien plus changeant que le nôtre. On ne sait jamais le matin quel temps il fera le soir. Tout à coup, une averse vient, et aussitôt après, le beau pinceau du soleil est de nouveau promené sur les choses. Comme je m'en étonnais, on me dit que c'était qu'il y avait la mer, et rien entre la mer et nous qui pût arrêter les courants. Alors le même vent qui soufflait sur nos têtes gonflait là-bas les voiles et soulevait les barques au-dessus des bancs de poissons. Nous étions 12 à 15 à travailler ensemble, tous fort gaillards, bien allurés, comme il convient dans le métier, portant des larges pantalons de velours à côtes, des ceintures de flanelle rouge. À 11 heures, on allait déjeuner chez un marchand de vin. C'est le soir qu'on dîne à Paris. On se retrouvait chez le marchand de vin pour boire dans l'après-midi, et puis, une fois la journée finie, il y avait l'apéritif qu'on prenait debout devant le comptoir. La maison n'avait qu'un étage. Elle était peinte en rouge sombre, d'une couleur de sang caillé. Il fallait descendre 2 marches. Il n'y avait qu'une grande table, dans un coin. Tout le reste de la place était occupé par le zinc, comme ça s'appelle. Et derrière le zinc se tenait le patron. Il versait à boire d'une main, de l'autre il vous rendait la monnaie. Quand le nouvel an approchait, la vitrine se garnissait de volailles et de lapins suspendus à des ficelles. Aux environs de Pâques, on disposait sur le comptoir 2 gros saladiers pleins de rouge. Il y avait aussi un chien danois nommé Dick qui gardait la boutique la nuit. Il paraissait que le quartier n'était pas très sûr. Le patron racontait volontiers des histoires de carreaux coupés au diamant et de serrures crochetées. Mais, disait-il, en montrant son chien, « avec ce bougre-là, je dors tranquille. Le premier qui se montre, il lui saute à la gorge, il a été dressé à ça. » Le dit patron, d'ailleurs, avait toujours à portée de sa main un air de bœuf qu'il gardait pour le cas où surviendrait quelque bagarre. Et il en survenait parfois. C'est qu'il y a de la bataille dans l'air à Paris. On voit d'abord que le tabac est cher et que les allumettes n'y valent rien. Mais, quand on va au fond des choses, ce qui frappe le plus, c'est cette fièvre qu'on y sent. Plus qu'ailleurs, on y est nerveux. Ça y chauffe de vivre en foule. On veut aller trop vite, le tempérament s'en ressent. Et puis il y a aussi que tout le monde est venu à Paris pour faire fortune et que peu y ont réussi. Alors le mécontentement, les rancunes, les jalousies, ces espoirs tournés en vinaigre, ce trop-plein de fiel et ces amertumes. Tout ça bouillonne ensemble dans la même marmite, qu'elle éclate quelquefois, on ne peut pas s'en étonner, d'autant plus que le vin y aide, sans compter l'absinthe et autres amères. Mais ces choses étaient nouvelles pour moi. La Savoie, les routes de France, c'était encore la campagne. À présent venait la grande ville, venait le mouvement en tous sens de la grande ville, et son grondement tout le temps dans l'air. Le même changement, je le retrouvais dans mon petit milieu, parmi mes camarades. Ils sortaient d'un peu partout. Il y en avait du sud et du nord, ils parlaient toute espèce de français, avec toute espèce d'accent, chacun avec ses habitudes, chacun avec ses goûts pour tel ou tel plat, ou tel vin. Les uns qui demandaient l'ail et la cuisine à l'huile, les autres le 3-6 et la charcuterie. Moi, perdu là-dedans. Moi, silencieux là-dedans. Mal assuré, les premiers temps surtout. Moi, qui me tenais dans mon coin, et eux alors accoudés à leur table, qui tournaient la tête vers moi, et ils m'appelaient le Suisse. Comme j'étais complaisant et de bonne volonté, ils ne me bousculaient pas trop. D'ailleurs, Duborgel m'aurait défendu. Mais, enfin, je sentais fortement les distances, et que la terre n'est pas si petite que je l'avais cru. Pourtant, j'étais déjà sensible aux ressemblances. Malgré tant de diversité, quand je réfléchissais un peu, c'est elle surtout que je voyais. Et après ce terrain mouvant, il y avait tout à coup ce sol ferme. Je me disais, n'empêche, tous les hommes sont comme moi. Nous étions logés à l'hôtel des Deux Mondes. En dépit de son nom, c'était un tout petit hôtel. Une quinzaine de chambres, nous étions voisins, Duborgel et moi. Nos chambres donnaient toutes deux sur une espèce d'étroite cour avec, juste en face de nous, un mur pourri d'humidité. Jamais le soleil ne venait jusqu'à nos fenêtres. Aussi ne rentrions-nous guère chez nous que pour dormir. On s'attardait au restaurant. Duborgel s'était vite fait des amis. Il venait parfois nous tenir compagnie. Duborgel et ses amis discutaient. Ou bien, dans la belle saison, nous allions faire un petit tour. Il fait bon se promener à Paris. À la campagne, on s'ennuie vite. Il n'y a que les arbres et le ciel qu'on connaît. À Paris, il y a toujours des choses à voir. Elles vous amusent d'autant plus qu'on y est moins habitué. Moi, je n'y étais pas encore habitué, quoique bien du temps eût passé déjà. J'étais toujours dans l'étonnement de ces rues pleines de monde. Et quand c'était l'été, de tous ces gens assis sur les trottoirs, ils sortaient des bancs et des chaises. Il y avait partout des groupes où on parlait haut. Des marchandes de légumes poussaient leurs charrettes. Le rempailleur de chaises soufflait dans son cornet. Le dimanche, au lieu de s'interrompre, le tapage allait redoublant, surtout le dimanche matin. Plus que jamais de charrettes de fleurs et de charrettes de poissons. De rémouleurs tournant leurs meules, de marchands d'habits appelant. Plus que jamais de cris poussés et de monde dans les boutiques. Des femmes passaient, un panier au bras, traînant de l'autre main une petite fille. Des hommes en pantoufles et en manches de chemise entraient chez le coiffeur. Une odeur d'absinthe remplissait la rue. Par les fenêtres ouvertes sortaient des bruits d'accordéons, de cornets à pistons, de trompes de chasse, et sur les trottoirs, lavés à grande eau, c'était un incessant claquement de sabots, parce qu'on porte des sabots à Paris, chez les pauvres. Pas chez nous, ou bien c'est des socs. Mais là-bas, c'était des sabots, c'est-à-dire taillés en plein bois. Il y avait aussi mille petites différences qui m'occupaient l'œil et l'esprit. Le dimanche, pour ceux qui travaillent, c'est un jour en dehors du temps. On se sent un autre homme. On a un grand vide heureux dans la tête qui semble dire à tout « Entrez ». On ne fait plus d'efforts, on laisse venir, on laisse ses bras pendre comme ils veulent. Vos jambes vous portent sans qu'on sache trop où. Et vos yeux, eh bien, vous les maintenez dans la bonne ligne, c'est-à-dire droit devant vous, et ils vous passent dans le regard des choses. Je ne me lassais pas, en particulier des grands omnibus qui venaient, branlant et sautant sur leurs roues, tout à coup tournés de travers parce que le pavé glissait, et finissant par s'éloigner, très hauts et carrés sur le ciel, avec une grappe de tête qui se balançait à chaque chaos. Les voitures aussi m'amusaient avec leurs cochers à chapeaux de cuir et pèlerines à 5 ou 6 collets. Il y avait les enterrements, il y avait les belles dames. Je ne faisais pourtant pas que me promener. Je m'étais remise à lire. C'était mon goût, et puis le milieu y portait. Après ce temps de flottement qu'il y avait eu dans ma vie, elle avait repris de la fixité. Je tâchais de mettre mes loisirs à profit. Les journaux à un sou n'existaient pas encore, Il coûtait 3, 4 et même 5 sous, mais on se les passait. Du Borgel, pour sa part, en achetait un chaque jour qui s'appelait la Voix du Peuple. Il faisait partie d'un club, je crois bien que c'est le nom, qui possédait une bibliothèque. Il revenait tous les samedis avec 2 volumes, dont il me prêtait l'un pendant qu'il lisait l'autre. Je me laissais aller parmi ces feuilles imprimées comme dans une foule qui m'aurait emporté. Toutes ces lettres prenaient vie, elles se mettaient à bouger, elles allaient dans tous les sens, elles se heurtaient l'une à l'autre, elles faisaient des remous et comme des nœuds par endroits. Alors je pensais, c'est le monde. Est-il assez grand tout de même? Est-il assez bruyant? S'y fait-on assez de mal? Serait-ce donc que personne ne puisse rester tranquille? Il le semble bien, du train où ça va. Et, faisant retour sur moi-même, des peurs me prenaient, tant j'étais petit. Rien qu'un point parmi tous ces points, un grain de sable dans le sable, faible aussi, faible surtout, incapable de résister, pris dans le tourbillon des choses, je ne voyais autour de moi que désordre. J'étais désordre également. On n'en pouvait pas dire autant de Duborgel. Lui ne semblait douter de rien. C'est qu'il avait ce qu'il appelait ses principes. Il me reprochait même souvent de ne pas les partager. Il commençait à m'étonner, Duborgel, malgré l'amitié que je lui portais. Il était de plus en plus agité. Il essayait de tout sans se prendre à rien. À part ses idées, j'entends dans sa vie. Pendant 8 jours, il ne sortait plus de sa chambre. Les 8 jours suivants, il ne rentrait pas de la nuit. Pendant un temps, il ne cessait de boire, puis il se refusait jusqu'à un verre de vin. Un jour, un samedi soir, il m'avait quitté pour aller à une de ses réunions. Vers 1 heure du matin, je l'entends qui rentre, il n'était pas seul. C'était la première fois qu'il ramenait une femme chez lui. Sur ce point, il y avait eu entre nous une entente sans parole à cause des jalousies qui peuvent survenir. On était convenu d'une grande discrétion à l'endroit du sexe. On sait assez qu'il peut faire besoin. Donc, j'entends Duborgel rentrer. Une voix disait « Elle n'est pas bien grande, ta chambre. » Lui, elle est assez grande pour moi. Puis, plus rien, et je me rendors. Le lendemain matin, il ne vint pas prendre son café avec moi comme d'ordinaire. Aucun bruit de l'autre côté de la cloison. Je sortis. Comme je rentrais vers midi, je le trouve devant ma porte. « Belay, me dit-il, j'ai avec moi une amie. Veux-tu que je te l'amène? On ira faire un tour ensemble cet après-midi. » Je ne pouvais pas refuser. C'était une grosse fille, à peau grasse et à cheveux très noirs, peignés bas sur le front. Elle s'appelait Zéphérine. Elle se mit à rire en me tendant la main. Elle me dit « C'est vous le Suisse ?» On alla manger ensemble, comme il avait été décidé. Puis on partit pour le bois, parce que c'était le printemps. Elle avait dit « Est-ce qu'on va voir le beau monde ?» Elle était sans chapeau, avec une jupe à volant, et autour de son cou, un mince velours noir. Par moments, se mouillant le doigt, elle refaisait ses frisons. On visita l'Arc de Triomphe, on poussa jusqu'au bois. Que de monde, partout sous les arbres aux troncs verts, comme peints avec un pinceau, des gens étaient installés. Les uns, qui avaient apporté leurs provisions, et passaient là tous leurs dimanches, étaient couchés en cercle, autour de papiers gras et de paniers ouverts. D'autres, venus simplement prendre l'air, se tenaient assis le long des allées. À l'abri des buissons, des couples s'embrassaient. Mais, où qu'on regardât, c'était la même foule. Pas un coin de gazon qui ne fût occupé. Nous fîmes tout le tour du lac, dans les endroits de restaurants et de cafés à ciel ouvert, où se tenait ce que Zéphirine appelait le beau monde. Les hommes portaient des pantalons à sous-pieds, les femmes des crinolines, rien n'était plus drôle à voir que ces crinolines. On aurait dit d'énormes cloches toutes en volants et en rubans, et leur raideur cachant le mouvement des jambes, elles allaient comme sur des roulettes. En outre, elles étaient si larges que dans les chemins un peu étroits, il fallait toute une manœuvre et une difficile manœuvre pour qu'elles puissent passer de front. Mais ça faisait des jolies taches claires sur les fonds d'arbres et de fleurs en corbeille et l'eau tout en reflet du lac. Il y avait aussi beaucoup de brillants militaires à culottes rouges, à casques d'argent. Des orchestres jouaient partout. Zéphirine était heureuse, mais Duborgel ne disait rien. Nous revînmes sur nos pas, l'Arc de Triomphe était tout rose. On prit par la grande avenue qui en part et descend en pente douce jusqu'aux Tuileries. Là, le spectacle était encore plus beau. C'était l'heure du retour des voitures vers la ville. Sur toute la largeur de la chaussée, elles se suivaient sans interruption. on voyait briller le cuir des harnais, l'acier des mors et des gourmettes. Les têtes des cochers, chaussées de bottes à revers roses, dépassaient la masse roulante. Ils se tenaient très droits sur leur siège, tandis que derrière eux, au fond de la calèche, des dames en chapeaux à plumes se renversaient dans les coussins. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était les chevaux. Ils semblaient danser sur place. Ils levaient très haut leurs jambes si minces qu'on croyait tout le temps qu'elles allaient casser. Ils avaient des coups comme ceux des cygnes. Ils balançaient la tête en trottant. Pourtant, ils avançaient très vite, et ce double courant allait d'un mouvement égal et sans heurts, comme un bercement. Tout était facile, tout était heureux. Parmi ce beau soleil couchant qui jetait sur les marronniers ses fines mousselines roses, on avait d'autres pensées que celles d'un plaisir toujours renouvelé. Aucun effort autour de vous, il semblait que les choses eussent été réglées en vue du seul contentement. Je regardais Zéphirine aussi, elle ne pensait qu'au plaisir, elle me tirait par le bras, « Regardez !» disait-elle, et me montrant un équipage, « Je crois que c'est encore le plus beau. » Nulle envie chez elle, elle avait le cœur simple, elle s'abandonnait. Quand quelque voiture de louage ou quelque pauvre fiacre délabré passait, mêlée aux riches voitures de maître, elle riait de bon cœur. Je me mettais à rire comme elle. Duborgel se taisait toujours. Il marchait devant nous, parmi la foule, tête basse, et des fois nous étions pris dans un remous qui nous obligeait à nous arrêter. Mais lui se dégageait d'un mouvement d'épaule et continuait son chemin. Elle me poussa tout à coup du coude. « Qu'est-ce qu'il a ?» Je dis, « Je n'en sais rien. » « Il n'est pas gai, ton ami. C'est malheureux tout de même. On sort pour s'amuser, il prend des airs d'enterrement. » Est-ce qu'il avait entendu ? Toujours est-il qu'il se retourne. « Ma petite Zéphirine, tu n'as pas l'air contente de moi. Tu ne me trouves pas assez en train. Tu as raison, ma petite Zéphirine, mais c'est que je pensais à toi. »« À moi ? Oui, ma petite Zéphirine. » Il l'avait prise par la main. Elle lui dit, « Tu me fais mal ?» Et elle chercha à se dégager, mais, au lieu de la lâcher, il l'attirait maintenant contre lui, et, avec sa même voix tendre, « Je pense à tous ces riches, et que toi tu ne l'es pas. Je pense à tous ces gens heureux, et que toi tu es malheureuse. » Elle l'interrompit, « Je ne suis pas malheureuse. Petite Zéphirine, vois-tu, tu ne sais rien. Tu n'as jamais pensé à rien. Tu ne t'es jamais dit que tu étais volée. Vois-tu, Zéphirine, s'ils faisaient seulement attention à toi, ces gens-là te montreraient du doigt. Et moi, je sais que tu vaux mieux qu'eux. Alors il ne faut pas s'étonner que je sois triste. » Elle ne comprenait pas encore et tournait vers lui des yeux surpris, mais on la sentait désarmée. Elle se laissait faire, il la tenait par le bras, et de tout près, la tête dans son cou. « Vois-tu, je t'apprendrai ces choses. Il faut que tu puisses aller tête haute parmi ceux qui te méprisent. Ils te mépriseront, mais tu les mépriseras plus encore. Il faut que tu te répètes tout le temps « je vaux mieux qu'eux ». Il faut que tu te dises aussi « les temps viendront ». Parce que les temps viendront, Zéphirine, il faut que tu t'y aides. Il faut que tout le monde s'y aide. Il parlait beaucoup maintenant et avec fièvre, dans le soir. Soudain, je le vis s'arrêter, et prenant dans ses mains la tête de Zéphirine, il l'embrassa devant tout le monde, tandis que ses genoux à elle pliaient. Je ne suis pas sûre qu'elle eût saisi ce qu'il avait voulu dire, mais il y avait qu'elle était femme, et maintenant, oubliant tout, m'ayant oublié, moi aussi, il s'en allait bras-dessus, bras-dessous. Pourquoi est-ce que je me sentis tout à coup si seule ? Et pourquoi sentais-je aussi que Duborgel s'éloignait de moi ? Je n'ai pas encore parlé de ses idées, mais on devine assez où il en était arrivé. Tout ça était venu de ses discussions politiques, qu'il continuait à avoir chez le marchand de vin. J'étais effrayée de l'entendre, confraternité des peuples, indignité des gouvernants, lâcheté des pouvoirs publics, révolution, suppression des frontières. Il n'y avait pas de mots qui lui parussent trop gros. Ça ronflait terriblement, mais c'était le creux du tambour. Alors je regrettais nos premiers temps de Paris et notre bonne amitié d'alors. Je me souvenais combien elle m'avait soutenue dans ce grand désert de la ville où j'étais brusquement entrée, et cette sensation de vide qu'il y avait quand même à voir tant d'hommes autour de soi, et aucun qui vous fût de rien. Mais on était deux dans ces moments-là. Je reportais ma pensée à nos chambres où nous nous retrouvions le soir. C'était avant le temps qu'il se fût mis à sa politique, avant le temps de ses humeurs. On était en tout camarades, On parlait un peu du pays, il faisait bon, on avait allumé la lampe. Il y avait eu un grand bruit un moment avant dans l'hôtel, parce que les locataires rentraient. Mais maintenant, tout faisait silence, on n'avait pas besoin de forcer la voix. On fumait, ça n'est pas si triste la nuit, ces chambres, à cause qu'on ne voit plus les taches du papier au mur et la couleur des draps de lit. L'hiver, on allumait un feu de charbon dans la cheminée et dessus cuisait de l'eau dans une bouilloire en fer étamé. Alors, avec cette eau, on faisait un peu de café, tandis qu'il continuait de parler de sa vie, et moi aussi de ma vie, et nous deux de nos compagnons, et de ce qu'on gagnait, et du travail qu'on allait avoir, parce qu'on en changeait souvent. 2 ans avaient passé ainsi. La 3e année, déjà, les choses s'étaient gâtées. Maintenant, je ne voyais plus du Borgel. Toutes ces soirées étaient prises par des réunions et des conférences. Pendant nos repos du jour, au repas, à l'apéritif, ce n'était plus avec moi qu'il parlait. C'était avec tout le monde, ou plutôt pour tout le monde. Il lui fallait un public, comme on a vu. Je montre du Borgel, parlant dans les cafés et frappant du poing sur la table. Il rejetait ses cheveux en arrière, il se croisait les bras. Je montre cette fumée de cigarette, une table ou deux, des gens tout autour, d'autres debout devant le zinc, et toutes les têtes se tournant vers du Borgel dès qu'il se mettait à parler. Dehors, un gros camion passait avec 5 chevaux, crochant au pavé le tranchant brillant de leur fer. On n'entendait que du Borgel. « Qu'est-ce que nous attendons? N'avons-nous pas la force pour nous? Ne sommes-nous pas 1000 contre 1 ?»« La réponse est facile, nous n'osons pas, voilà tout. Chacun de nos gestes est dirigé contre nous-mêmes. Nous sommes nos pires ennemis. Seulement, attendez un peu. » Alors il posait la main sur son cœur et il étendait le bras droit. « Le jour viendra bientôt où chacun d'entre nous sera appelé à montrer de quoi il est capable. Nous passerons des paroles aux actes, et l'aspect du monde changera. Travailleurs, opprimés, pensez à vous-mêmes, tâchez de prendre conscience de vos droits. Quand vous y serez arrivés, vous n'aurez plus qu'un geste à faire pour mettre en fuite l'exploiteur. » Les applaudissements éclataient, tout le monde applaudissait, même ceux qui étaient loin de partager ses idées. C'est un goût qu'on a à Paris. On aime l'éloquence pour elle-même. On ne s'inquiète pas du contenu des phrases si elles sont bien faites. Il ne supportait plus la contradiction. Il s'irritait de voir que je ne le suivais pas dans ses raisonnements. Mais ils étaient trop compliqués pour moi. Et puis, je les trouvais un peu vides. J'ai le goût des bases, moi. Quand on construit un mur, j'aime qu'il soit d'abord bien enfoncé en terre, bien assis sur ses fondations. Il le sentait, il me demandait des fois, « Alors tu n'es pas de mon avis, Belay. » Je lui disais, « Pas tant. » Il haussait les épaules, mais plus on avançait et plus les divergences qu'il y avait entre nous allaient s'accentuant. Il m'avait entraîné un certain soir dans une de ses réunions publiques où il passait à présent tout son temps. Un célèbre orateur révolutionnaire, un grand entre les grands, comme m'avait dit du Borgel, devait y prendre la parole, d'où sans doute la foule qui remplissait la salle à colonnes et plafonds vitrés, où c'est à peine si on arriva à trouver 2 petites places au bout d'un banc, et encore était-on serré. Il fallut entendre bien des discours avant le bon. Personne d'ailleurs n'écoutait. Tout à coup, il se fit un grand silence. On vit sortir de derrière la tribune un petit homme noir, à cheveux tout blancs. Du Borgel me poussa du coude. C'était lui. « C'est lui, » me dit du Borgel, et il me poussait du coude. Il n'en aurait pas eu besoin. Tout le monde tendait le cou, tandis que le petit homme là-bas, la main gauche passée sous le revers de son habit, la droite posée sur la table, et la tête un peu renversée, sans un mouvement, sans un geste, avait commencé à parler. Il avait une voix très calme, presque sourde, tout unie, mais nette et à contours tranchés. On ne perdait pas un mot de ce qu'il disait. Et longtemps ainsi il parla. Il n'avait toujours pas bougé. Il se tut. Il ne bougeait toujours pas, le silence durait toujours, il dura encore un instant, puis brusquement, voilà, toute la salle fut debout, toutes les bouches s'étaient ouvertes, un immense cri en sortit, je ne sus plus ce qui arrivait. Il y eut comme une vague qui accourut sur moi, je fus pris dedans, je tournai dedans, tout ce que je pus faire fut de rester debout et de ne pas perdre du Borgel de vue. Heureusement que cette espèce de grand mouvement en rond de la foule, comme nous n'y participions pas, nous rejetait loin de son centre. Nous fûmes peu à peu ramenés à la porte. Là, je rejoignis du Borgel. Je le regardais, il était tout pâle. Le bruit durait toujours, nous nous trouvâmes dans la rue. Une troupe d'hommes partit en chantant dans la direction opposée à celle par où nous étions venus. Ils se donnaient le bras, la police les escortait. Je crus un moment que Duborgel allait les suivre, mais il me regarda à son tour longuement et je vis qu'il y renonçait. Il me dit « Viens-tu, Belay ?» On se mit en route. On marchait l'un à côté de l'autre, sur le trottoir, étroit et grand. Nous nous taisions, il regardait fixement devant lui. De temps en temps, nous passions devant la boutique encore éclairée d'un marchand de vin. On voyait à travers le vitrage des hommes qui jouaient aux cartes. Puis de nouveau, c'était la nuit. Un drôle d'entrelacement de petites rues mal pavées où seul je me serais certainement perdu. Mais Duborgel connaissait le quartier pour y être venu souvent. On arriva donc bientôt à la Seine, et le grand espace vide du ciel, avec des étoiles, se montra au-dessus de nous. Il y avait dans l'eau aussi des étoiles. Comme on baisse les écluses, elles étaient sans courant la nuit. C'est une eau noire, lisse, lourde, avec comme un verre dessus. De temps en temps, je regardais du côté de Duborgel parce que je commençais à m'inquiéter de son silence. Il ne paraissait pas faire attention à moi. Il avait choisi son moment. Nous avancions toujours, et ce ne fut que quand nous nous trouvâmes au milieu du pont, il y avait là une espèce d'enfoncement avec un banc, qu'il s'arrêta. Je m'arrête aussi machinalement. Il se tenait en face de moi. Son regard se heurta au mien comme un caillou contre un caillou. Alors il hoche la tête, il me dit « Était-ce beau ?» Un moment avant, j'aurais peut-être été de son avis. Mais l'air frais de la nuit m'avait nettoyé les idées. Je m'étais retrouvé, je dis « Pas tant beau que ça ». Il me regarda de nouveau, il se tut, mais je sentais qu'au fond de son silence, quelque chose se préparait. C'était au milieu de ce pont de pierre, avec un peu plus loin, devant une guérite, un soldat qui se promenait, et on voyait par moments, à la lueur d'un bec de gaz, briller sa baïonnette. Il ne haussa point la voix d'abord, il me dit tranquillement « Belay, je crois qu'il faut qu'on s'explique. Es-tu avec moi ou bien contre moi ?» Je m'étonnais, moi aussi, d'être si calme. Je lui demandais « Qu'entends-tu par être avec toi ?» Il me dit, alors seulement il haussa la voix, « Être avec moi, c'est être avec le peuple. Être avec moi, c'est avoir mes idées. Sans quoi, vois-tu, Belay ?» J'éclatais soudain parce que j'avais trop de choses à lui dire. « Qu'est-ce que ça fait ? » m'écriai-je. « Ce qu'on pense, dis-moi. » Tu as tes idées, tu es libre. Laisse-moi les miennes. Je suis libre aussi. Qu'est-ce que ça fait, nos idées? Est-ce par la cervelle seulement qu'on se tient? Est-ce qu'on ne s'est pas juré amitié? Dis-moi, Duborgel. Et je sens bien que depuis quelque temps, tu n'es plus le même avec moi. Mais moi, vois-tu, je n'ai pas changé. Je reste ton ami quand même. Je resterai toujours ton ami. Je voulus continuer, il me coupa la parole. Il ne s'agit pas de savoir si tu es mon ami, mais si tu es mon frère. Quand on est ami, on est frère. On se perdait ainsi dans une bataille de mots. Je n'aime pas les mots, j'aime mieux les choses. Je recommençais. Écoute, Duborgel, est-ce que tu as à te plaindre de moi? Est-ce que je t'ai jamais fait tort? T'ai-je jamais trompé? Ai-je jamais rien fait pour ne plus mériter l'amitié qu'on s'était jurée? Alors tu me parles de tes idées. C'est comme du latin pour moi. Un bon mouvement, Duborgel. Moi, je n'y mets point d'amour propre. C'est Paris qui t'a gâté. Retournons d'où nous venons. Je revois son front bas, avec un pli dans le milieu. « Parlons net, tu as entendu l'orateur de tout à l'heure. » Je dis, je n'ai rien entendu. « Mais les autres, oui. Eh bien, tu te souviens de ce qu'ils ont dit. Signerais-tu ce qu'ils ont dit ?» Je secouai la tête. « C'est non ?» Je dis, « C'est non. Alors tu n'es plus mon ami. » Il fit demi-tour. Je n'y pus pas croire d'abord. J'avais comme du gravier dans le gosier. Les paroles ne sortaient plus. Un moment, je restais ainsi, la bouche ouverte. Quand la voix me revint, il était déjà loin. Alors j'appelle encore. Il ne se retourna même pas. Il arrivait en ce moment au bout de la rue. Il s'arrête, il lève le bras, il crie « Vive la Révolution sociale !» et il disparaît. Le tout n'avait pas duré plus de 2 ou 3 minutes. J'étais seul, je me mis à aller devant moi au hasard. Toutes sortes d'idées me tournaient dans la tête. Oh, aujourd'hui encore, je ne le juge pas. Je sais qu'il était généreux. Je n'avais pas oublié notre temps de messerie, et aussi comment il m'avait soigné. Il avait été pour moi comme une mère. et depuis lors souvent j'avais eu recours à lui. Jamais il ne m'avait refusé ses services. Tout cela, je me le disais. Mais ce que je me disais aussi, c'était qu'en le suivant où il prétendait m'entraîner, je me serais menti à moi-même. Ni Dieu ni maître, c'était son mot, ça ne pouvait être le mien. Nos deux natures, allant ainsi dans deux sens différents, devaient finir par ne plus se comprendre. Il avait eu une autre éducation que moi, il y avait en lui un autre sang que le mien. Pourtant, je ne me résignais pas. Cela me brûlait en dedans, j'avais comme de l'eau bouillante dans la tête. Où j'étais, je n'en savais rien. Le quartier était noir et pauvre, malgré qu'il eût fait beau et chaud toute l'après-midi, le pavé restait humide. Une odeur forte sortait des bouches d'égout. Je glissais, je faillis tomber. Soudain, j'aperçus à mes pieds une espèce de gros paquet posé dans l'angle d'une porte. Le paquet se met à bouger. C'était une vieille femme. Le bruit de mes pas l'avait réveillée. Elle lève la tête avec un grognement. Et je vis l'horreur de Paris. Comment avais-je pu m'en accommoder jusqu'alors? Et je me dis, grâce à Dubourgel, nous étions deux, je n'ai rien vu. Et plus amèrement, il se mit à me manquer. Je pensais, Mélanie d'abord, Dubourgel ensuite, plus de Mélanie, plus de Dubourgel. Alors il me sembla que les maisons se rapprochaient encore, le ciel s'abaissait encore, et d'en bas, une odeur étouffante montait. Je vis une rue où il y avait un groupe d'hommes et de femmes arrêtés sous un bec de gaz. Les hommes avaient des casquettes, les femmes étaient en cheveux. J'avance quand même. Une femme se détache du groupe. Elle s'approche de moi. Je reconnais Zéphirine. Elle me dit « Comment se fait-il que ton ami ne soit pas avec toi ?»« Comme ça. C'est drôle, vous étiez toujours ensemble. J'aurais quelque chose à lui faire dire. Est-ce que tu te chargerais de la commission ?» C'est que je ne sais pas quand je le reverrai. Elle continuait de marcher à côté de moi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, je rentre. Tu rentres? Un nouveau silence. Écoute, veux-tu que je rentre avec toi? Je ne répondis rien, elle me prit le bras. Écoute, puisque Dubourgel n'est pas là ce soir, et je ne sais pas où aller coucher. Elle avait baissé la voix, je cherchais à me dégager, mais elle se cramponnait à moi. Tandis qu'elle avançait de plus en plus vers moi, sa bouche, avec le bas de sa figure enflée, son souffle me frôlait la peau, il bougeait dans mes cheveux. « Dis ce soir, rien pour ce soir, tu verras, je serai gentille. Comment t'appelles-tu déjà ?» Seulement, une espèce de colère m'était venue. D'un brusque mouvement, je la repoussai. D'abord, elle resta muette de surprise, puis tout à coup la voix lui revint. « Ah, c'est comme ça ! Ah, c'est comme ça ! Vieille enflée, paysan, pourriture !» Les mots, maintenant, ne lui manquaient plus. D'une voix éraillée et rauque, elle me criait des injures, toutes celles qu'elle savait. Je les entendais rouler d'un bout à l'autre de la rue. Toute la bande, cependant, l'avait rejointe, et eux aussi s'étaient mis à m'injurier. Moi, je courbais le dos, j'avais pressé le pas, mais eux aussi avaient pressé le pas. Et jusqu'à mon hôtel, je fus accompagné par ces cris et ces aboiements, à quoi se mêlaient par moments des gros rires, parce que, pour finir, il se moquait de moi. Chapitre 4. Dès le lendemain matin, Dubourgel quitta l'hôtel. Je n'ai jamais su ce qu'il était devenu. C'est un souvenir que j'enterre ici. Je creuse le trou, je jette les mottes, mais je me tiens penché un petit moment sur le tertre, pensant à ces choses pieusement. Pour moi commença le temps le plus dur que j'eusse encore traversé. On me demandera pourquoi je restais à Paris. Je n'y avais en effet plus rien à faire, mais il m'aurait fallu un effort pour m'en aller, et je n'étais plus capable du moindre effort. Je demeurais là comme la pierre qui est trop lourde, comme le morceau de bois quand il est tombé, comme la feuille avant que le vent vienne, et l'eau même, dans les creux, ne connaît pas le mouvement. Je fus chassé par la guerre. Tout à coup, en juillet, elle éclata. Ce fut comme un coup de folie. Je revois ces journées, il me semble que j'ai rêvé. De tous côtés sortaient des régiments en marche, avec le colonel devant et les cuivres de la fanfare qui étincelaient au soleil. Des fleurs tombaient des balcons pleins de femmes, on s'écrasait sur les trottoirs, des estafettes paraissaient, mais aussitôt mille bras tendus barraient la rue, et l'homme en haut de son cheval, il saluait encore, c'était inutilement. Alors, on le voyait ôter son casque, il en arrachait les crins par poignées, l'étendant aux mains qui s'ouvraient. On voyait des vieux messieurs à chapeau de soie qui donnaient le bras à de petits pâtissiers. Ils marchaient au pas devant les tambours. Ils avaient la bouche grande ouverte, mais on n'entendait pas ce qui en sortait. On vivait dans le tonnerre. J'apercevais debout sur la marquise d'un café une chanteuse à moitié nue, un drapeau tricolore drapé autour des reins, et sa poitrine se soulevait par brusques secousses, tandis que les clients, ayant abandonné leur table, faisaient cercle autour d'elle, reprenant le refrain « À Berlin, à Berlin !» On ne pense plus, on se laisse aller. Voilà des zouaves qui arrivent. On voit ces franges de cheveux qu'ils ont, coupant le front par le milieu, la chétchia mise en arrière, les guêtres blanches, le pantalon bouffant, tout le monde pleure. Eux, cependant, s'avancent sur quatre rangs en sautillant, mais on pleure plus encore. Et des femmes s'évanouissent, laissant choir sur le trottoir leurs provisions de marché. C'est fait, on les relève, il y a une ambulance. Jamais ce drapeau d'ambulance, parce qu'il me rappelait celui de mon pays. Blanc et rouge, me disais-je, sang et drap d'hôpital, c'est ça, on va se battre. Il y a cette toile tendue de la civière qui a juste la largeur et la longueur d'un corps, point de place perdue, mais tout ce qu'il y avait de vitre et jusqu'au verre sur les tables se mettait à teinter. C'était une batterie, 8 chevaux, des hommes dessus et les grands canons de bronze d'alors, avec, comme aux bêtes enragées, une muselière de cuir. Mon paquet fut vite fait. Où j'eus de la difficulté, ce fut quand il s'agit de prendre le train, parce que toutes les gares étaient occupées militairement. Heureusement que j'avais mes papiers. On ne m'enferma pas moins dans une salle d'attente qui était déjà plus que pleine. Devant la porte allait et venait une sentinelle, le fusil chargé. Ensuite, par petits groupes et escortés de 2 soldats, les voyageurs furent autorisés à aller prendre leurs billets. On nous fit passer dans une nouvelle salle d'attente. De nouveau, une sentinelle se promenait devant la porte et on attendit longtemps de nouveau. Finalement, on aperçut un train qu'on faisait avancer. Il se rangea le long d'un des quais. On le remplit wagon après wagon. On comptait autant de têtes qu'il y avait de place dans chaque voiture et par escouade, on nous y entassait. C'était en ce temps-là des compartiments sans couloir. L'employé, pour venir poinçonner les billets, était obligé de se glisser le long du train sur une passerelle. Par-dessus le marché, on avait fermé à clé les portières. On était autant dire en prison. De nouveau, 2 ou 3 heures se passent avant que la locomotive se décide à siffler. Nous étions 8 dans mon compartiment. Avec lenteur, parmi le grincement des essieux mal huilés et le brelanchement de toute la carcasse, le train finit par se mettre en marche. Et la grande gare aux marchandises passa devant nous, pleine de chevaux, d'hommes, de caissons. Puis vinrent les fortifications, avec le grand fossé que domine le mur. La banlieue apparut, mais déjà on ralentissait. Bientôt, on s'arrêta complètement. C'est que d'autres trains arrivaient en sens contraire. On vit passer tout un convoi de canons. Ensuite, ce fut tout un convoi de cavalerie. Par les ouvertures à claire-voie, on distinguait les croupes des chevaux. 2 dragons en bonnet de police, les manches troussées, assis sur le marchepied, fumaient des cigarettes. On finit par repartir. La plaine au grand fleuve parut. Je me souvenais de l'avoir traversée 4 ans auparavant. Cependant, mes compagnons de voyage avaient déballé leurs paniers à provisions. Je fis de même. J'avais du pain, des œufs durs et une saucisse. On mangea. En face de moi, il y avait une vieille femme, accompagnée de sa fille. Elle ne mangeait pas, elle. Elle pleurait. Près d'elle était assise une autre jeune femme qui tenait un enfant sur ses genoux. Puis venait un petit vieillard proprement mis qui, la serviette autour du cou, rongeait une cuisse de poulet. Je regardais pleurer la vieille dame. Elle levait ses 2 mains à la fois et elle les tenait appliquées sur ses yeux. Elle avait une capote en velours violet avec 2 brides qui s'attachaient sous le menton. Par moments, sa fille se tournait vers elle. « Maman, maman, ne pleure plus !» Elle ôtait ses mains de dessus ses yeux et regardait par la portière passer les champs nus et les arbres. Mais les sanglots la reprenaient. Peu à peu, sa capote avait glissé sur son oreille. Les larmes coulaient entre ses doigts. « Maman, pour me faire plaisir, je voudrais bien, je ne peux pas. » Son fils était parti pour la guerre, et sa fille, mariée en province, était venue la chercher. Jusqu'à ce moment-là, la femme qui tenait l'enfant n'avait rien dit. Tout à coup, elle se mit, elle aussi, à pleurer. « Oh, madame, disait-elle, moi, c'est mon mari qui est parti. » Et l'enfant, la voyant pleurer, commença à pousser des cris. « Petit, petit, disait-elle en le serrant contre sa poitrine, toi au moins ne pleure pas. Il n'y a que toi qui me reste. Fais un sourire à ta maman. » On venait d'arriver dans une gare. Le bruit des essieux s'était tu. Il n'y avait plus que celui des larmes. Je voyais à présent l'autre face des choses. Je me répétais le mot de l'emblée, le taupier. « On est mené, on est mené. »